إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous avions évoqué dans les cours précédents les moyens utilisés par Quraysh, les mécréants de Quraysh, le peuple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était resté sur l'associaterie et l'idolâtrie. Nous avions évoqué les moyens qu'ils utilisèrent pour discréditer la prédication du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils utilisèrent premièrement les intimidations et les menaces. Deuxièmement, l'humiliation. Troisièmement, le discrédit. Quatrièmement, le parasitage. Cinquièmement, les négociations et les arrangements. Sixièmement, les châtiments et les préjudices corporels. Septièmement, la demande des signes évidents. Et enfin, huitièmement, la polémique dans le faux et par le faux. Comme lorsque les Quraïchites essayèrent de discréditer le messager sallallahu alayhi wa sallam en polémiquant avec lui sur ce qu'ils entendaient du Coran, en essayant de le pousser dans la contradiction et dans l'erreur. L'imam Ahmed rapporte par une chaîne de transmission qui est bonne d'après Abdullah ibn Abbas, qui a dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى بن مريم وما تقول في محمد فقالوا يا محمد لست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا فلئن كنت صادقا فإن آلهتهم لكما تقولون قال فأنزل الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون قال قلت ما يصدون قال يدجون وإنه لعلم للساعة قال هو خروج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قبل يوم القيامة. D'après Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à Quraysh: ô peuple de Quraysh, il n'y a pas une personne ou une idole adorée en dehors d'Allah qui comporte en elle du bien. Les Quraysh savaient que les chrétiens adoraient Isa, fils de Maryam, ainsi que Mohammed le savait. Ils dirent alors: ô Mohammed, ne prétends-tu pas que Isa fut un prophète et un pieux serviteur d'Allah? Si tu es véridique, leur divinité est comme tu le prétends, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun bien en elle. Ils voulaient pousser le messager à se contredire par cela. Allah tabaraka wa ta'ala révéla alors les versets suivants, dans le sens des versets: quand on cite l'exemple du fils de Maryam, ton peuple s'en réjouit et exulte, en disant: nos divinités sont-elles meilleures ou bien lui? Ce n'est que par polémique qu'il te le cite comme exemple. Ce sont plutôt des gens chicaniers. Isa n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Si nous voulions, nous ferions de vous des anges qui vous succéderaient sur terre. Il sera un signe au sujet de l'heure, n'en doutez point, et suivez-moi, voilà un chemin droit. C'est le retour de Isa, fils de Maryam, avant l'avènement de l'heure. Donc, le peuple de Quraysh est venu avec cette analogie qui est fausse, en disant que Isa, alayhi salatu wassalam, est comparable à leurs idoles, et c'est pour cette raison qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, leur répond: il n'est qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Isa alayhi salatu wa salam n'a à aucun moment appelé les gens à l'adorer, mais plutôt à appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala a dit: il fut interdit d'adorer Isa alayhi salatu wa salam, et le fait de l'adorer est aussi grave que l'adoration des idoles. Et lorsqu'Allah dit ton peuple, c'est-à-dire de ceux qui te démentent de cela, de cet exemple qu'il donne et de cette fausse analogie, exulte de joie en pensant avoir pris le dessus par cet argument. Ils pensent avoir piégé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et le pousser dans d'éventuelles contradictions, en disant, nos divinités sont-elles meilleures, ou bien lui, ou bien Isa ibn Maryam. Nous, comme toi, Mohammed, reconnaissons que Isa est un des proches serviteurs d'Allah et qu'il aura une fin heureuse. Pourquoi interdis-tu alors le fait de tous les adorer? Si ton argument n'est pas caduque, pourquoi te contredis-tu alors? Pourquoi dis-tu, vous serez vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer, vous vous y rendrez tous, comme c'est rapporté dans Sourate Al-Anbiya. Allah interdit l'adoration du Messie, alayhi salatu wa salam, comme il interdit l'adoration des idoles, car l'adoration est un droit spécifique à Allah, subhanahu wa ta'ala. Nul ne la mérite par ses créatures, ni les anges rapprochés, ni les prophètes envoyés, ni même autre que cela. Fin de citation. Ce verset n'est pas un argument en leur faveur, et cela se démontre par trois points. Premièrement, dans ce verset, vous serez vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer, vous vous y rendrez tous. Cela renvoie à une chose qui n'a pas de raison. Vous serez vous et ce que vous adoriez. La particule ici en arabe est antum wa ma ta'budun. Et Allah n'a pas dit wa man ta'budun. Ça renvoie à une chose qui n'a pas de raison. Donc aux idoles. Le deuxième élément de réponse, ce verset s'adresse aux associâtres de la Mecque et ses alentours qui adoraient les idoles et non Isa alayhi salatu wa salam. Troisième élément de réponse, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset qui suit, et en seront écartés ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. Et il ne fait aucun doute que Isa et les autres prophètes et vertueux sont concernés par ce verset. Dans le même registre, il y a eu un autre événement par lequel les Quraysh ont essayé de pousser le messager sallallahu alayhi wa sallam dans ses retranchements, et cela lorsqu'ils allaient retrouver les Juifs et leur dire, donnez-nous une question à poser à cet homme, en désignant Mohammed, afin que nous puissions le piéger. Ils dirent, posez-lui la question sur l'âme, ar-ruh. Le verset coranique alors fut révélé. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et on ne vous en a donné que peu de connaissances. Sourate 17, verset 85. Ils dirent alors, il ne nous a été donné que peu de connaissances. Il nous a été donné la Torah et celui à qui fut donné la Torah a reçu d'innombrables bonnes choses. Allah révéla alors à ce sujet comme forme de réponse sur leurs allégations, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Sourate 18, verset 109. Dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand bien même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Tout cela n'a pas fait plier les musulmans, ou les a poussés à revenir, voire douter de leur religion. Allah Tabaraka est celui qui raffermit les croyants sur la vérité, malgré les attaques incessantes à leur encontre. La situation devenait invivable pour les croyants à la Mecque, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensa à une solution. Il demanda aux croyants de partir en Abyssinie, un endroit où ils seraient en sécurité et non persécutés par les Quraysh, par les Arabes. Cette émigration aura lieu au mois de Rajab, le septième mois de l'année hégirienne, de l'an 5 de la révélation. Il y aura 10 hommes et 4 femmes. L'imam Ibn Ishaq, rahimallah tabarak wa ta'ala, nous dit dans le Marazi, dans son livre de Sira, lorsque l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vit les persécutions sur ses compagnons, tandis que lui était en sécurité et en sûreté à cause de sa place auprès d'Allah tabarak wa ta'ala et auprès de son oncle Abi Talib, et qu'il ne pouvait pas les protéger de leur malheur, il leur dit, que pensez-vous d'émigrer vers la terre d'Éthiopie, car il y a là un roi auprès de qui personne n'est lésé, et l'Éthiopie est une terre amie, afin qu'Allah vous délivre de votre tourment. Alors les musulmans, les compagnons de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhum, partirent pour l'Éthiopie de peur de la tentation et des troubles, et pour fuir pour leur religion vers Allah, subhanahu wa ta'ala. C'était la première émigration survenue en islam. Ils furent 10 hommes et 4 femmes. Il y avait Othman ibn Affan, des Bani Abdishams. Il y avait Abu Hudhayfa ibn Utba ibn Rabi'a, des Bani Abdishams. Il y avait Az-Zubayr ibn Al-Awwam, des Bani Asad. Il y avait Mus'ab ibn Umair, des Bani Abdiddar. Il y avait Abdurrahman ibn Auf, des Bani Zuhra. Il y avait Abu Salama, des Bani Makhzoum. Il y avait Othman ibn Maz'oun, des Bani Jumah. Il y avait Amr ibn Rabi'a des Bani Adi, il y avait Abu Sabra ibn Abu Ruhm des Bani Amr ibn Lu'ay, et enfin il y avait Suhayl ibn Baydah des Bani Al-Harith ibn Fihr. 10 hommes. Et il y avait 4 femmes. La première était l'épouse de Uthman ibn Affan et la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayyah, radiyallahu tabaraka wa ta'ala. Puis il y avait Sahla bint Suhayl, qui est l'épouse de Abu Hudhayfa ibn Utba bin Rabi'a de Bani Abdi Shams. Il y avait Umm Salama bint Abi Umayya de Bani Makhzoum, qui elle fut l'épouse de Abu Salama de Bani Makhzoum. Et enfin, il y avait Layla bint Abi Hathma de Bani Adi, qui fut l'épouse de Amir ibn Rabi'a de Bani Adi. 10 hommes et 4 femmes. Salama, radiallahu anha, qui fit partie de ce contingent de croyants ayant émigré vers l'Éthiopie lors de cette première émigration, nous raconte les circonstances de cet événement. Elle dit, lorsque la Mecque nous parut trop petite, alors que les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, subissaient des préjudices et étaient éprouvés, en voyant toutes ces épreuves qui les touchaient à cause de leur religion, que le messager lui-même ne pouvait leur épargner cela, qu'il était lui sous la protection de son clan et de son oncle, qu'il ne subissait rien de tout ce que subissaient ses compagnons, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit, en terre d'Éthiopie, il y a certains rois auprès de qui personne ne les est. Rejoignez ces terres jusqu'à ce qu'Allah dissipe la situation dans laquelle vous vous trouvez et vous octroie une issue favorable. Nous partîmes donc par petits groupes et de nuit afin de ne pas attirer l'attention, jusqu'à ce que nous nous retrouvâmes là-bas, c'est-à-dire en terre d'Éthiopie. Nous arrivâmes dans la meilleure des terres, auprès du meilleur des hôtes. Il nous a accordé protection pour notre religion et nous n'éprouvions auprès de lui aucune injustice. Donc cette parole de Umm Salama qui décrit cet événement a été rapportée par Ibn Ishaq par une chaîne de transmission qui est bonne. Ce premier contingent partit en toute discrétion pendant la nuit à l'abri des regards. Ils se dirigèrent vers le port de Shuaïba au sud de Jeddah et arrivés là-bas, ils se séparèrent en 2 groupes. Chaque groupe embarqua dans un navire de commerce et ils se retrouvèrent en terre d'Éthiopie. Pendant ce temps, les Quraysh apprirent la nouvelle de cette émigration et décidèrent de les poursuivre. Mais arrivés au port de Shuaïba, les navires avaient déjà pris le large et ils arrivèrent trop tôt. Parmi ceux qui décidèrent de quitter la Mecque aussi, à ce moment, et que nous n'avons pas cité dans les 10 qui ont émigré parmi les hommes, il y a eu Abu Bakr Siddiq, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'avait autorisé à partir. L'imam al-Bukhari nous rapporte la narration de Aïcha, sous le numéro 3950. D'après Urwa ibn Zubair, qui rapporte que Aïcha, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la fille d'Abi Bakr, a dit, je n'ai pas connu mon père et ma mère autrement que pratiquant la religion musulmane. Il ne se passa pas un seul jour sans qu'à ces 2 extrémités, le matin et le soir, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne vint chez nous. Lorsque les musulmans furent persécutés, Abu Bakr partit pour émigrer vers la terre d'Abyssinie. Mais arrivé à Barq el-Rimad, c'est un endroit situé à 5 lieues de marche de la Mecque en direction du Yémen, vers le sud, il fut rencontré par Ibn Darinna, le chef d'Al-Qara, qui sont des alliés des Bani Zuhra, qui lui dit alors, où vas-tu, ô Abu Bakr? Mon peuple, répondit Abu Bakr, sont la cause de mon départ. Je veux parcourir la terre et adorer mon Seigneur. Un homme tel que toi, ô Abu Bakr, reprit Ibn Darinna, ne quitte pas son pays et ne s'en laisse pas chasser. Car tu donnes à celui qui n'a rien, tu es bon pour tes proches, tu soulages les infortunés, tu héberges les autres et tu aides à parer les vicissitudes de la vie. Je serai ton protecteur. Rentre dans ta ville et adore-y ton Seigneur. C'est-à-dire, retourne à Mecca et tu seras sous ma protection. Personne ne te fera du mal. Abu Bakr rentra à la Mecque et Ibn Darinna fit route avec lui. Puis un soir, il fit une tournée chez les notables de Quraysh et leur dit, un homme tel qu'Abu Bakr ne doit pas quitter son pays, ni en être chassé. Allez-vous donc chasser un homme qui donne à celui qui n'a rien? Qui est bon pour ses proches, qui soulage les infortunés, qui héberge les autres et qui aide à parer les vicissitudes de la vie. Les Quraychites ne contestèrent pas la protection offerte par Ibn Darinna, mais lui dirent, enjoint à Abu Bakr d'adorer son Seigneur dans sa propre maison, qu'il fasse là les prières et les récitations qu'il voudra. Cela ne nous gênera en rien, mais qu'il n'agisse pas publiquement, parce que nous craignons qu'il ne pervertisse ainsi nos femmes et nos enfants. Cela nous rappelle la situation des musulmans dans les terres de mécréance, notamment en France, où on leur demande de pratiquer leur religion dans l'espace privé, chez eux, et de ne surtout pas montrer des signes ostentatoires de religion, comme ils disent. C'est exactement ce qu'avaient conditionné les notables de Quraysh à Ibn Darinna sur le cas de Abi Bakr. Ibn Darinna fit ses recommandations à Abi Bakr et celui-ci resta un certain temps à adorer son Seigneur dans sa maison et à ne faire ni prière ni récitation en public en dehors de chez lui. Plus tard, Abu Bakr imagina de construire un lieu de prière devant sa maison et c'est là qu'il allait faire la prière et réciter le Coran. Les femmes des associâtres et leurs enfants s'attroupaient devant cette mosquée et regardaient d'un œil étonné ce qui s'y passait. Abu Bakr avait les larmes faciles et ne pouvait s'empêcher de pleurer quand il récitait le Coran. Les notables d'entre les Quraysh, associâtres, redoutant le danger, mandèrent alors Ibn Darinna, et quand celui-ci fut venu, ils dirent: « Nous avons accepté la protection que tu accordes à Abi Bakr à la condition que celui-ci adorerait son Seigneur dans sa maison. Or, il a transgressé tes ordres. Il a bâti une mosquée devant sa maison et il y a fait publiquement la prière et la récitation du Coran. Et nous craignons qu'il ne pervertisse ainsi nos femmes et nos enfants. Défends-lui de continuer. S'il veut se borner à adorer son Seigneur dans sa maison, c'est bien. S'il refuse et qu'il veuille agir publiquement, demande-lui alors de te rendre la protection que tu lui as accordée, car nous serions peinés de te faire affront. Et d'un autre côté, nous ne pouvons accepter qu'Abu Bakr agisse publiquement. » Ibn Darinna, ajouta Aïcha, se rendit auprès de Abi Bakr et lui dit: Tu sais l'engagement que j'ai pris à ton égard. Il faut donc ou que tu te bornes à ce qui a été convenu ou que tu me rendes ma parole, c'est-à-dire ma protection. Je ne veux pas que les Arabes entendent dire qu'on m'a fait un affront à cause d'un homme envers qui je m'étais engagé. Je te rends ta parole, répondit Abou Bakr, et me contenterai de la protection d'Allah. Inni aruddu alayka jiwarak wa Ce hadith est beaucoup plus long que cela. Et nous aurons l'occasion, Inch'Allah, de citer sa deuxième partie qui relate de l'émigration du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vers Médine. Abu Bakr, radiyallahu tabaraka wa ta'ala, resta donc à la Mecque aux côtés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, supportant les exactions des associâtres à son encontre. La grande majorité des croyants n'avaient pas émigré et de ce fait, ils continuaient à subir des représailles de Quraysh. Ces derniers intensifièrent leurs invectives et leurs pressions comme s'ils voulaient faire payer le prix de cette émigration à ceux restés à la Mecque. Les premiers émigrés partirent en Abyssinie au mois de Rajab durant la cinquième année de la révélation, comme nous l'avons dit. 2 mois après, durant le mois de Ramadan de la même année, il va se passer une chose qui va bousculer le cours des événements. Allah tabaraka wa ta'ala va révéler au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la sourate Al-Najm, la sourate numéro 53, l'étoile. Le messager sallallahu alayhi wa sallam à cette occasion va réciter cette sourate en prière devant les gens et parmi eux les associâtres, à la vue de tout le monde, afin que tout le monde puisse entendre ces versets. Les Arabes associâtres, écoutant la récitation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, furent subjugués par la beauté de ses versets et ses sens profonds. Ils restèrent immobiles à son écoute, comme s'il y avait des oiseaux sur leur tête, comme disent les Arabes, ka'anna ala ru'usihim at-tayr. C'est une expression qu'employent les Arabes pour montrer l'immobilité d'une personne, de telle sorte qu'un oiseau pourrait se poser sur sa tête sans qu'il ne soit dérangé. Donc, ils étaient là à écouter la récitation et la beauté des versets, de telle sorte qu'ils ne purent couper la récitation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien s'opposer à lui verbalement, ou bien lui couper sa prière. La profondeur et la beauté de ces versets s'emparèrent de leur cœur. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, continuait sa récitation. À la fin de cette sourate, il y a une prosternation. Et lorsque vint le moment de se prosterner, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se prosterna et ils se prosternèrent avec lui. Se prosterna avec lui les croyants, les mécréants, les hommes et les djinns, comme nous allons rapporter le hadith. L'imam al-Bukhari rapporte cet événement dans son Sahih, sur le numéro 4863, d'après la version de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui a dit: Awwalu suratin unzilat fiha sajdatun wan najmi. قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. Abdullah ibn Mas'ud a dit, la première sourate au sujet de laquelle la prosternation fut ordonnée fut celle de l'étoile, Al-Najm. L'envoyé d'Allah se prosterna et ainsi firent tous ceux qui étaient derrière lui, sauf un homme qui prit de la poussière dans sa main et se prosterna dessus. Plus tard, j'ai vu ce mécréant être tué dans la bataille de Badr. Il se nommait Umayyah ibn Khalaf. Dans le hadith 4862, c'est-à-dire le hadith juste avant, dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, Abdullah ibn Abbas a dit, قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. Abdullah ibn Abbas a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterna en récitant la sourate l'étoile, al-Najm, et se prosternèrent en même temps que lui les musulmans, les associatres, les djinns et les hommes. Donc, quelle fut la cause pour laquelle les associatres se prosternèrent avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et avec les croyants? La beauté des versets qui touchaient leur cœur. Ils furent envahis par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à se prosterner avec les musulmans. Il y a un récit qui est lié à cet événement très connu chez les savants de la Sira et des exégèses du Coran, qu'on appelle Qissatul Gharaniq, le récit d'Al-Gharaniq. Al-Gharaniq, à la base, ce sont des grands oiseaux blancs, majestueux, qui volent dans le ciel, et qui sont reconnus pour leur beauté. Or, ici, le Gharaniq voulait signifier ou bien les idoles, ou bien les anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été rapporté d'après ce récit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a commencé à lire cette sourate Al-Najm, il est arrivé au verset suivant. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Que pensez-vous cependant d'Al-Lat wal-Uzza et de Manat, cette troisième? On parle ici des idoles parmi les plus connues et les plus adorés chez les Arabes, Al-Lat, Wal-Uzza, Wal-Manat. À ce moment-là, lorsque le prophète a cité ces deux versets, le diable, imitant la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ajouta à sa récitation, « Tilka al-gharaniqu al-ula, wa inna shafa'atahunna la turtaja. » Ce sont ces belles plaines de grâce, et leur intercession est espérée. Ce sont ces belles plaines de grâce, et leur intercession est espéré. C'est-à-dire que Shaitan, par cette parole, a voulu montrer que Al-Lat, Wal-Uzza, Wal-Manat, ce sont des gharanir, c'est-à-dire des belles idoles dont on espère l'intercession. On n'est pas sans savoir que le shirk qui était pratiqué à l'époque du prophète, à cette fois durant la période mécoise, était bâti sur deux principes. Premièrement, l'adoration des idoles dans le fait de leur demander l'intercession. Et Allah a qualifié ceci d'associaterie et d'idolâtrie et de shirk. La deuxième chose, ils adoraient ces idoles afin de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par leur biais. Donc ici, Shaitan a voulu montrer et tromper les gens en disant que Al-Lat, Wal-Uzza, Wal-Manat, ce sont des idoles pleines de grâce dont on espère l'intercession. Dans une deuxième version de ce récit, c'est le messager d'Allah lui-même qui prononça cette parole. Dans la première version, c'est le diable qui imita la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et dans une deuxième version, c'est le messager d'Allah lui-même qui prononça cette parole. Donc les gens derrière lui, notamment les associates, crurent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait prononcé ces paroles et ils s'en félicitèrent. Ils dirent dans le sens, voilà ce que nous voulons. Nous savons qu'Allah seul, sans associé, est celui qui profite et qui nuit. Cependant, ces dernières intercèdent pour nous auprès de lui. Ils dirent aussi, c'est la première fois que Mohammed vante nos divinités et évoque le mérite de nos divinités. Nous savons que ceci est de l'associaterie majeure, condamnable, que pratiquaient les Arabes de Quraysh et autres. Associaterie que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a combattu. Le messager sallallahu alayhi wa sallam continua sa récitation sans s'être rendu compte que le diable avait rajouté cette parole. Parole que les associates, eux, avaient entendue. À la fin de cette sourate, au moment de se prosterner, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se prosterna et ils se prosternèrent avec lui. Puis, on a rapporté cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit « Tu as prononcé ces paroles ». Alors le messager d'Allah fut pris d'une terrible crainte Et Allah révéla les versets suivants. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ Sourate 22, verset 52. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets. Allah est omniscient et sage. Afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur. Les injustes sont certes dans une division profonde. Dans une troisième version de ce récit, Qissat al-Gharaniq, il a été dit que ce sont les associatres eux-mêmes qui ont inventé cette parole. Tilka al-Gharaniq al-Ula wa inna shafa'atahunna la turtaja. Voici les belles plaines de grâce dont l'intercession est espérée. Dans cette troisième version, ce sont les associatres eux-mêmes le lendemain ou l'après-lendemain qui inventèrent cette parole et l'attribuèrent au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin de justifier leur prosternation avec lui, puisqu'on leur fit le reproche. Pourquoi vous êtes-vous prosterné avec le messager d'Allah? Alors, pour se dédouaner, pour se justifier, ils inventèrent cette parole et ils dirent, Mohammed a dit que ces idoles sont des belles plaines de grâce dont l'intercession est espérée, et donc nous nous sommes prosternés au regard de cette parole. Ce récit dit de l'Gharaniq n'a été rapporté par aucune chaîne de transmission valide qui remonte jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, les savants divergent sur son authenticité. Une grande partie des savants déclarent ce récit sans fondement, étant donné les défaillances dans sa chaîne de transmission et pour le fait qu'il comporte aussi des principes qui sont contraires à la législation. Comment le prophète aurait-il pu dire une parole de shirk? Comment Allah aurait-il pu laisser Shaitan venir s'immiscer dans la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Des choses qui sont contraires au principe de la charia. D'autres savants déclarent ce récit comme bon de par la multitude de versions rapportées par des tabi'in, ce qu'on appelle des marasil. Ce sont des paroles de tabi'in qui rapportent ce récit sans faire mention du compagnon qu'il y a entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par définition, un mursal est un hadith qui est faible. Mais quand il y a plusieurs hadiths mursal par des chaînes différentes, alors ils viennent se renforcer les uns les autres, ce qui a poussé certains savants à considérer ce récit comme étant bon. Ils expliquent aussi que c'est Shaitan qui est venu prononcer cette parole et non le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils s'appuient aussi sur le verset de Sourate al-Hajj que nous avons cité. Pourquoi je vous ai rapporté ce récit d'Al-Gharaniq? Parce que c'est un récit que vous serez amené à trouver dans de nombreux livres de Sirah, voire dans de nombreux cours de Sira. Il faut savoir que ce récit n'est pas ce qu'il y a de plus authentique, et ce qu'il y a de plus authentique est ce que nous avons cité auparavant dans la version de l'imam al-Bukhari, à savoir que les mushrikoun, ce sont les associates, se sont réellement prosternés avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pas pour le fait qu'il y a eu cette parole du diable qui est venue s'immiscer dans la récitation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais par le fait que les mouchriquines, les associates, ont été subjugués par la beauté du Coran, par la profondeur de ses sens, jusqu'à s'oublier eux-mêmes et à se prosterner comme étant revenus dans leur saine nature. Ils se sont prosternés avec le messager d'Allah et avec les croyants. Et c'est cela qu'on doit retenir dans ce récit. Même si Qissat al-Gharaniq est présent dans beaucoup de livres, sachez que les savants divergent sur son authenticité. L'information de la prosternation des associates parvint de façon erronée aux musulmans qui avaient émigré en Abyssinie. Et ceux-ci pensèrent que les Quraïchites avaient embrassé l'islam. Plus de persécutions, plus d'invectives, plus de châtiments, tout cela n'avait plus lieu d'être. Alors, ils décidèrent donc de retourner à la Mecque au mois de Shawwal, le mois après Ramadan. Et lorsqu'ils furent à une distance d'une heure de route de la Mecque, ils apprirent que tel n'était pas le cas. Donc certains rebroussèrent chemin, tandis que d'autres rejoignirent tout de même la Mecque, cachés ou bénéficiant de l'aide de certains Quraysh, c'est-à-dire en rentrant à la Mecque sous la protection de certains Quraysh. Les Quraychites poursuivirent leur persécution des immigrants et des autres musulmans, fous de rage de constater le bon accueil qui leur avait été réservé en Abyssinie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda donc à ses compagnons d'accomplir une nouvelle émigration en Abyssinie. C'est ce dont nous parlerons dans le prochain cours, Insha'Allahu tabaraka wa ta'ala. Nas'Allah jalla wa ala an yuwaffiqana jami'an لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.